Thank you for natural, natural treasure. Last me, things are in the place. Sunshine is your love. Say, sunshine is my love. Well done. Il illumine mon réveil, il est rond, il est bon. Nul n'a son pareil. Détient cette magie qui nous offre l'amour éternel. Il donne un sourire, titille mes envies d'un éclat jaune. Dans mon cœur c'est le seul, aucun concurrent à son trône. Il nous donne la joie de vivre, de se bénéter, je m'enivre. Il élimine nos cœurs et je kiffe, wow. C'est pour ça que je reste à kiffer, juste à rayon et c'est le kiffer. Toutes les gunwins sur la piste, je dis sunshine, y'a le spray qui va avec. I'm ready, direct pour faire la fête. Sans prise de tête à tu tête, tu chantes à direct. Oh oh oh, I love it sunshine, yeah. Sunshine is your love. Pour se pavaner, prétexte à maigrir, pour se dévêtir, pour courir les filles. Listen. Boy, one time, quand le soleil fait se retombe au D-boy, ce qui t'amène direct à des cités folles. Two time, j'ai peur de dire que toutes les galons raffolent et elles paraissent toutes de plus en plus mignonnes. Toutes les galons sont friandes. Toutes les galons sont friandes. Tous les galons redemandent. Sunshine for Brianna, sunshine for Badada, sunshine Saint Lucia, sunshine for Madinina, sunshine dans tout le cœur des eaux. You don't know. Sunshine, that's who curled it so you turn. Dinzai LRS.